You're not telling me that one time is enough. Plug. Are you? Plug. You will bathe in hellfire. Fuck un gouer, fuck un gouer, fuck un gouer. Fuck un gouer, fuck un gouer, fuck un gouer. J'suis sur Gouer City, fuck un gouer, fais les vraies choses. Tu t'appelles Gwenaël, t'es même pas beau. Toujours continuer, on fait jamais de pause. Toujours continuer, on fait jamais de pause. J'suis serein même pendant la pause. J'étais pas sur moi, Zicube, ils savaient que j'allais tout brûler. Les UHC, Gouer City, c'est pour moi cette année. Rosita, c'est moi, j'ai appris à tout crafter. Même en trichant, t'es pas arrivé à gagner. Gouer City, sur Mélodie. Sortez que ta nouvelle meuf, vous êtes au mai, elle a 15 ans la petite. Soirée drogue avec ton stop et ta bon frère Ralodi. J'connais Yann Mistime, il a une alternance au chicken spot. Martial, sale bâtard. What's wrong? You want me to stop? You want me to stop rubbing your sensitive... Plug! You're not telling me that one time is enough. Plug! Are you? Plug! You're fine. You can still come some more. Plug! This is an order. Plug!